Écoutez, c'est l'été sur Fadjet. C'est l'été, l'occasion de découvrir ou redécouvrir Nancy, mais aussi plus largement la métropole. Avec l'Office de tourisme de Nancy, nous avons présenté la semaine dernière City Découverte, qui recense 175 visites incontournables et insolites, une brochure qui est toujours disponible. Poursuivons aujourd'hui en compagnie de Vincent Dubois, bonjour. Bonjour. Responsable marketing produit donc pour l'Office de tourisme de Nancy. Pour cette deuxième chronique, on sort un peu des murs de Nancy. Et oui, parce qu'il n'y a pas que des trésors dans Nancy, mais également dans les communes de la métropole, alors qu'ils sont plus ou moins connus. Il y a des incontournables comme le château de Fléville, qui est je pense connu de beaucoup, ou le jardin botanique à Villers-les-Nancy, mais d'autres trésors, hein, qui sait par exemple que Villers, c'est la ville aux sept châteaux. Donc il y a sept châteaux historiques que l'on peut découvrir, avec d'ailleurs un circuit numérique qui a été développé par des étudiants. Donc on peut trouver ça sur le site internet de la ville de Villers-les-Nancy et télécharger une application pour refaire ce circuit en autonomie. Donc du patrimoine historique, du patrimoine naturel, qui dit château dit souvent aussi parc, hein, que ce soit le très beau parc public du château de Montaigu qui s'étend sur Jarville et Lanneville avec le musée du fer également. Donc là déjà pour une journée on a déjà de quoi s'occuper entre le musée du fer, entre le château de Montaigu qui était la résidence d'Edouard Salin, qui est un archéologue, un industriel, qui avait une très belle demeure, très joliment meublée. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux arts décoratifs, c'est aussi un petit trésor. Donc, du patrimoine naturel, mais aussi, pourquoi pas, profiter des nombreuses pistes cyclables aménagées le long du canal ou de la Meurthe, avec la boucle de la Moselle, avec la voie bleue qui relie Luxembourg à Lyon, alors sans aller peut-être jusque-là, mais en tout cas, cette véloroute traverse la métropole via la Meurthe à l'est. Donc, pourquoi pas faire une belle balade à pied ou à vélo. Il y a d'autres communes également qui ont développé des circuits, je pense par exemple à la commune de Ludres, avec une série de panneaux qui sont installés, qui constituent un joli parcours, là aussi pour découvrir ce patrimoine pas toujours bien connu des personnes qui habitent le territoire. Donc voilà, histoire, patrimoine naturel, activité physique ou voilà, nature avec le vélo. La métropole a vraiment de quoi offrir à tout le monde des activités gratuites ou payantes. C'est selon. C'est aussi des animations avec un soir une commune pour découvrir des... Oui, alors pour valoriser tout ce patrimoine, nous proposons les vendredis soirs de l'été la manifestation Un soir une commune depuis 2015. Donc chaque commune a un programme différent qui permet de valoriser ce territoire. Ça peut être du patrimoine historique, ça peut être du patrimoine naturel, ça peut être parfois sous forme de balade comptée. Donc un riche programme qui se développe jusqu'au début septembre, donc les vendredis soirs. Donc là, il suffit de voir le site internet de nancy-tourisme.fr, de réserver soit en ligne ou à l'office de tourisme, donc pour occuper aussi les soirées, les vendredis. Maintenant, on va s'intéresser au programme de ce week-end, des 18 et 19 juillet. Oui, alors comme chaque week-end, on propose toujours l'incontournable visite du centre historique qui s'adresse à ceux qui ne connaissent pas forcément Nancy, peut-être que pour des personnes qui viennent de s'installer, des nouveaux étudiants qui arrivent. Voilà, donc elle est proposée tous les samedis à 10h30 en été et permet de découvrir à la fois le centre historique et l'ensemble UNESCO, vieille ville, ensemble UNESCO. Et puis, toujours deux visites à renouveau le week-end, une le vendredi 17 juillet au parc de Sorup, donc cette belle cité-jardin avec à la fois des maisons art nouveau et art déco. On fait souvent la confusion, donc c'est vraiment le moment de faire le point et faire la différence entre ces deux mouvements architecturaux, mais voilà, de très belles demeures privées. Et puis le dimanche, on sera sur un circuit qui permet de rejoindre le quartier gare de l'Excelsior jusqu'à la Villa Majorelle. Ça se fait l'après-midi de manière à pouvoir visiter la Villa Majorelle. Je précise simplement que ce parcours guidé n'inclut pas la visite intérieure de la Villa Majorelle et qu'il faut s'inscrire en plus pour découvrir la demeure de l'ancien artiste de l'école de Nancy. Et puis toujours une visite thématique, donc le samedi 18 juillet, nous proposons une visite du cimetière de Préville, un lieu un peu insolite, un cimetière, c'est un peu le Père Lachaise de Nancy, avec de nombreuses personnalités qui y sont inhumées, mais aussi de beaux exemples d'architecture funéraire. Une autre activité, donc le 19 juillet, pour les plus sportifs peut-être ? Oui, dimanche, alors plus sportif ou plus ou moins sportif, c'est une journée à vélo, mais vous pouvez louer des vélos assistance électrique, le parcours est relativement plat, donc ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, n'ayez pas peur, c'est vraiment adapté à tous les publics. Donc au départ de la maison du vélo, où vous avez la possibilité de louer un vélo assistance électrique, on vous emmènera sur le territoire des boucles de la Moselle. Alors on ne fera pas toute la boucle qui fait 80 km, mais on s'arrêtera à 9 maisons pour aller visiter la mine